Notre-Dame de Paris. Claude Frollo enlevant une bohémienne, avec l'aide du bossu de Notre-Dame. Un songe, la réalité, Pierre Gringoire ne saurait dire. Mais s'il racontait cela, on l'écouterait enfin. Son récit, plus que ses mystères, passionnerait son auditoire. En attendant, le poète va se réveiller en un lieu miraculeux, sans y avoir été invité. Voici les épisodes 7, 8, 9 et 10 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 23, 24, 25 et 26 avril 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Ayez pitié d'un pauvre aveugle! Prenez garde en marchant, messire! Je me traîne sur le sol comme une lame! Un peu de pain, s'il vous plaît! Je n'ai plus ni bras ni jambes! Ah, il faut que je la mine bien au monnière pour me demander ainsi la charité! Mais je n'ai rien, vous dis-je, je n'ai rien! Pas même une chemise sous mon pourpoint! Ah! Un bon mouvement, messire! Mettez la main à votre gousset! Mais lâchez-moi! Je ne peux pas, mes yeux sont aveugles! Si je vous lâche, je tomberai! Et vous, là, pourquoi me tenez-vous les jambes? Je rampe, messire, comme un ver de terre! Cela ne vous fend pas le cœur! Tant de drôles que vous êtes! Écartez-vous! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et le pauvre Gringoire, terrorisé, se met à courir. L'aveugle courut, le boiteux courut, le cul-de-jatte courut. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nuit, les mendiants pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies sortent des maisons, des ruelles, des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopin-clopin, quinquas, se ruant vers la lumière et vautrés dans la boue comme des limaces après la pluie. Voici, camarade, c'est nous qui l'amenons. Où suis-je? Dans la cour des miracles. Sur mon âme, je vois bien les aveugles qui regardent et les boiteux qui courent. Mais de grâce, où est le sauveur? Tu es ma plaisanterie, compère. Il n'y a point ici de sauveur, mais un roi. Oui. Et pour les miracles, nous n'avons besoin de personne. C'est nous qui les faisons. Gringoire était en effet dans cette redoutable cour des miracles où jamais honnête homme n'avait pénétré à pareille heure. Cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui osaient s'y aventurer disparaissaient en miettes. Monstrueux égout d'où s'échappait chaque matin et où revenait croupir chaque soir ce ruisseau de vice, de mendicité et de vagabondage qui débordait dans les rues de la capitale. Ici se retrouvaient le moine défroqué, l'écolier perdu, les vauriens de toute nation et de toute confession, couverts de plaies fardées, mendiant le jour, brigands la nuit, immense vestiaire où s'habillaient et se déshabillaient tous les acteurs que le vol, la prostitution et le meurtre lançaient sur le pavé de Paris. Dis-donc, le roi, on t'amène un prisonnier. Chapeau devant le roi. Qu'est-ce que c'est que ce maraud? Clopin Trouillefou. Eh oui, Clopin Trouillefou. Eh ben voilà. Tu oses t'aventurer sur mes terres et tu t'étonnes d'y trouver le roi des mendiants. Maître, monseigneur, sire, enfin... Je ne sais pas comment je dois vous appeler, je... Monseigneur, sa majesté, ou camarade, appelle-moi comme tu voudras, mais dépêche. Oui, oui. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Pour ma défense? Mais qu'ai-je fait? Je suis celui qui, ce matin dans la... Dans les ongles du diable, ton nom, maraud, et rien de plus! Tu as devant toi Clopin Trouillefou, roi de Thunes, successeur du Grand Couer. Suzerain suprême du royaume de l'argot. Tu es entré chez nous sans être argotier. Tu as violé les privilèges de notre ville. Oui, Tu dois être puni. Monseigneur, je... À moins que tu sois capon, franc-mitou ou riffonné, c'est-à-dire voleur, mendiant ou vagabond. Es-tu quelque chose comme cela? Hélas, monseigneur, je n'ai pas cet honneur. Je suis seulement l'auteur de... Fille, tu vas être pendu. Pendu? Chose toute simple, messieurs les honnêtes bourgeois. Comme vous traitez les nôtres chez vous, nous traitons les vôtres chez nous. Mais monseigneur... La loi que vous faites aux truands, les truands vous la font. C'est votre faute si elle est méchante. Il faut bien qu'on voit de temps en temps une grimace d'honnête homme au-dessus du collier de chanvre. Le collier de chanvre? Ça rend la chose honorable. Je vais te faire pendre pour amuser les truands. Oh non, pas pendre. Monseigneur, je vous en supplie, faites-moi grâce. Monseigneur, je m'appelle Pierre Gringoire. Vous savez, Pierre Gringoire, je suis le poète. Le poète dont on a représenté ce matin une moralité dans la grande salle du palais. C'est donc toi? J'y étais, par la tête bleue. Ah, monseigneur, eh bien, vous y étiez. Camarade, est-ce une raison parce que tu nous as ennuyés ce matin pour ne pas être pendu ce soir? Oh mon Dieu, j'aurais de la peine à m'en tirer. Et pourtant, majesté, écoutez-moi, je ne vois pas pourquoi les poètes ne sont pas rangés parmi les truands. Vagabond, Ésope l'était, mendiant, Homer le fut, et des voleurs, Mercure était le dieu. Je crois que tu veux nous mettre à graboliser avec ton grimoire. Corne du diable, laisse-toi pendre. Oh non. Et pas tant de façon. Oh non, monseigneur, pardon, je vous en supplie. Monseigneur, le roi de Thunes, cela en vaut la peine. Un moment encore, je n'ai qu'une vie, mais laissez-moi la défendre. Écoute, Gringoire. Oui. Je ne vois pas, malgré tout ce que tu nous bailles, pourquoi tu ne serais pas pendu? Il est vrai que ça a l'air de trépigner. Pourtant, la chose est toute simple. Mais vous autres bourgeois, vous n'y êtes pas habitués. Vous aimez mourir dans vos lits. Les faits sont chauds. Après tout, nous ne te voulons pas de mal et tu me fais pitié parce que tu as l'air aussi pauvre que nous. Ça? Voici un moyen de te tirer d'affaire pour le moment. Veux-tu être des nôtres? Je le veux, Serge, je le veux, et bellement. Tu consens à t'enrôler parmi les gens de la petite flambe? De la petite flambe, oui, précisément. Tu te reconnais membre de la frange bourgeoisie? De la frange bourgeoisie, oui. Sujet du royaume d'Argot? Du royaume d'Argot. Truand? Truand. Dans l'âme? Dans l'âme. Je te fais remarquer que tu n'en seras pas moins pendu pour ça! Je n'en serai pas moins pendu! Oh, diable, je croyais que... Seulement, tu seras pendu plus tard. Plus tard. Avec plus de cérémonie, au frais de la bonne ville de Paris, un bon gibet de pierre, et par les honnêtes gens, c'est une consolation. C'est une consolation, en effet. Fort bien, nous allons te faire passer les épreuves. Ah, parce qu'il y a des épreuves? Ce n'est pas tout de vouloir être truand, il faut le pouvoir. Alors, vous autres, qu'on apporte le mannequin. Gringoire, tu veux donc être truand? Sans doute. Je suis truand, argotier, franc-bourgeois, petite flambe et tout ce que vous voudrez. J'étais même tout cela d'avance, monsieur le roi de Thunes, car je suis philosophe. Et comme vous le savez, et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur. Pour qui me prends-tu, chlapon? Je n'entends rien, charabia! Mais ce n'est pas du charabia, monseigneur. C'est du latin, et cela veut dire... Toute chose est contenue dans la philosophie et tous les hommes dans le philosophe. Philosophe ou non, latin ou pas, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Et ton savoir, puisqu'il est grand, tu vas nous le prouver dans notre langage à nous. Pour être reçu à la cour des miracles, tu dois démontrer que tu es bon à quelque chose. Oui, Tu vas fouiller le mannequin. Oui, oui, je fouillerai tout ce que vous voudrez. Tout. S'agit-il de cet épouvantail à moineaux? Oui. Il est plus chargé de grelots et de clochettes que 30 000 castillanes. Précisément. Hola, vous autres. Suspendez-le à la potence. Qui, moi? Voilà, le mannequin. Oh, j'aime mieux ça. Bon, toi, monte sur cet escabeau. Mort diable, je vais me rompre le cou. Votre escabeau boite comme un distique de Martial. Il a un pied hexamètre et un pied pentamètre. Monte, te dis, et occupe-toi de tes pieds, à toi. Tâche de les rendre aussi intelligents que ton esprit. Tourne le droit autour de la jambe gauche et dresse-toi sur la pointe du pied gauche. Monseigneur, vous tenez-vous absolument à ce que je me casse un membre? Alors, dépêchons et que ça finisse. Je t'avertis une dernière fois que si j'entends un seul grelot, tu prendras la place du mannequin. Allez, vas-y. Oh, mon Dieu. Allez, grimpe là-dessus, poète. On va te faire la courte échelle. Mon Dieu. Vierge, t'en as plus pour longtemps. Ding, les clochers vont sonner l'heure de ta mort. Est-il possible que ma vie dépende de la moindre vibration du moindre de ces grelots? Oh, je vous en supplie, sonnette, ne sonnez pas. Clochette, ne clochez pas, grelot, ne grelottez pas. Monsieur le roi de Thune, dites-moi, et s'il survient un coup de vent, hein? Je ne veux rien entendre, pas même le vent dans les grelots. Tu seras pendu. Bien, allons-y, et que la main me soit légère. Oh, oh. Ah, tu vois, on te l'avait bien dit. Oh non. Oh, je n'ai pas de chance. Relevez le drôle et pendez-le tout de suite. Laissez-moi lui passer moi-même la corde autour du cou. Oh, je suis donc mort. Adieu, Gringoire. Pauvre Gringoire. Te voilà perdu. Ces imbéciles ne veulent rien comprendre à ta propre misère. Belle vigne de l'étoile. Présent. Je te laisse l'honneur d'exécuter ce corneau. Ah, merci. Et je m'en réjouis. Maintenant, dès que je frapperai 3 fois dans les mains, toi, Audrey le Rouge, tu jetteras l'escabeau à terre d'un coup de genou. Toi, François Chanteprune, tu te pendras au pied du barreau. Et toi, Belvigne, tu te jetteras sur ses épaules. Et tous trois à la fois, c'est entendu? Oui. Et on a l'habitude, patron. Alors, allons-y. Oh, que la vie est belle, même au milieu de ces brutes. Deux. Un instant. J'oubliais les usages. Ventre du pape, dans notre confrérie, il faut respecter les usages. La loi veut que nous ne pendions pas un homme sans demander s'il y a une femme qui en veut. Camarade, oui. Tu as de la chance. C'est ta dernière ressource. Il faut que tu épouses une truande ou la corde. Oh, monseigneur, j'épouserai n'importe quoi, mais pas la corde, surtout pas la corde. Ah, oh, la femelle! Y a-t-il parmi vous une ribaude qui veuille de ce ribaud? Oh là, Colette, la charogne. Quoi? Marie Piedbout. Bérard de Rougeray. Alors? Et Mathurine Giroux. Isa pour la Borgnesse. Venez, voyez un homme pour rien. Qui en veut? On peut pas dire, il est pas tentant ce gibier de potence. Allez, fais voir un peu tes vêtements. S'ils sont plus engageants que ta cape, là, hein? Ma cape, je l'ai perdue. Et ton chapeau? On me l'a pris. Tes souliers? Ils n'ont plus de semelles, voyez. Ta bourse! Hélas, je n'ai plus un denier parisien. Oh, bah alors, laisse-toi doigt pendre du merci. Oh, oh. Camarade Gringoire, tu as bien du malheur. Personne ne veut de toi. Alors, c'est entendu? Oui. Oh non. Une fois. Oh non. Deux fois. Oh non. Trois fois. Être jugé. Oh, escabeau, fake. Non. Esmeralda. Vous allez pendre cet homme? Oui, chère sœur, à moins que tu ne le prennes pour mari. Je le prends. Détachez-le! Faites-le descendre! Et là, ne le laissez pas tomber! Tu n'as plus de force, compagnon! Non, plus beaucoup. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Assieds-toi, va. Tu l'as bien mérité. Et puisque notre belle, notre pure Esmeralda veut bien te sauver la vie, nous allons procéder à la cérémonie du mariage. Esmeralda. Allez, tout de suite. Voilà la cruche. Passez la cruche. Prends la cruche, Esmeralda. Et fais comme il se doit. Comment vous appelez-vous? Pierre Gringoire. Pierre Gringoire, jetez cette cruche à terre. Nous resterons unis l'un à l'autre, autant d'années qu'il y aura de débris sur le sol. Oh! Il y a quatre morceaux! Frère, elle est ta femme. Sœur, il est ton mari. Pour 4 ans! Car la cruche s'est brisée en 4 morceaux! Allez! Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. L'amour est pareil à la rose, son fragile destin te... Entrez. Nous sommes arrivés chez moi. Un instant, mamie. Qui chante ainsi? Marc et André, mes voisins. Ce sont les trouvères du Pont Saint-Michel. Ils chantent dans les cabarets. Il y a donc aussi des trouvères à la Cour des Miracles. Enfer et paradis. Que c'est beau. C'est reposant, ma belle. Cette balade après les hurlements des suppôts de l'enfer. Ah. Y a-t-il une réalité à tout ce que je viens de vivre? Entrez. Il fait froid. L'or les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Gringoire se trouvait maintenant dans le petit logis d'Esmeralda, bien clos, bien chaud, assis devant une table qui ne demandait pas mieux que de faire quelque emprunt à un garde-manger suspendu tout auprès, ayant un bon lit en perspective et tête à tête avec une jolie fille. L'aventure tenait de l'enchantement. Et notre poète commençait à se prendre sérieusement pour un personnage de conte de fées. Par moments, il jetait les yeux autour de lui comme pour chercher si le char de feu attelé de 2 chimères et qui seul avait pu le transporter aussi rapidement de l'enfer au paradis était encore là. Par moments aussi, il regardait obstinément son pourpoint usé, la misère de ses vêtements, comme pour se persuader de la réalité. Sa raison ballottée dans les espaces imaginaires ne tenait plus à rien. Enfer et paradis partageront ta vie. L'amour est pas... Esmeralda, qui êtes-vous? une créature céleste, une danseuse des rues. Tant et si peu. Ce matin, vous avez été mon mauvais génie, en donnant le coup de grâce à mon pauvre mystère, que personne ne voulait plus écouter, parce que vous dansiez sur la place. Et ce soir, vous êtes mon bel ange, en me sauvant la vie. Vous avez essayé vous-même de me secourir, lorsque ces deux hommes tout à l'heure ont voulu m'attaquer. C'est vrai, vous voyez, j'avais oublié. Ah, tant de choses sont advenues depuis ce matin. La vie et la mort, la folie, le miracle. Mais le plus sûr miracle, c'est vous, Esmeralda. Vous avez faim, messire, et cela vous fait tourner la tête. Faim, croyez-vous? Je ne sais plus, moi. C'est de vous que j'ai faim, Esmeralda. De vous, maintenant, que j'ai faim. Ne réfléchissez pas! Que voulez-vous de moi? Pouvez-vous me le demander? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais quoi, nous sommes mariés, après tout. Ne suis-je pas à toi, ma jolie? Et n'es-tu pas à moi? Laisse-moi t'embrasser! Combien va-t-on, je te tue! La sauvage! Veux-tu lâcher ce poignard? Veux-tu le lâcher? Reste immobile, sinon je te déchire! Voyez-moi ces deux lurones. L'une avec ses cornes, l'autre avec sa dague. Mais vous allez m'embrocher, ma parole! Il faut que tu sois un drôle, bien hardi, pour oser agir de la sorte avec moi! Pardon, mamie, pardon? Mais pourquoi donc m'avoir pris pour mari? Fallait-il te laisser pendre? Ainsi, vous n'avez eu d'autre pensée en m'épousant que de me sauver du gibet. Mais quelle autre pensée veux-tu que j'aie eue? Allons. Je ne suis pas encore aussi triomphant dans mes rêves que je croyais. Mademoiselle, ma femme, capitulons. Rentrez votre poignard et dites à votre chef de relever ses jolies cornes dorées. Je ne veux de mal ni à l'une ni à l'autre. Je vous jure sur ma part de paradis de ne plus vous approcher sans votre permission. Et puis, peut-être aviez-vous raison, ma charmante, tout à l'heure. Je crois que j'ai encore plus faim de lard que de femme. Asseyez-vous, je vous donne à souper. Tenez, voici à boire. Merci. Et à manger. Oh, merci. Prenez, Gringoire, tout est pour vous. Mmh. Oh, que c'est bon. Mmh. Oh, que c'est bon de manger. Mmh. J'avais donc besoin de me nourrir. À boire. À boire. Ouais. Puis-je encore reprendre un peu de ce pâté? Hein? Oh, elle a dit oui. Oh, merci, Esmeralda. Oh, on n'a encore rien trouvé de meilleur pour vous faire croire au paradis. Laissez-moi, mamie. Laissez-moi boire à votre santé et à celle de tous les poètes qui cherchent l'inspiration dans la divine bouteille. Esmeralda, vous ne mangez pas cette pomme? Esmeralda, vous n'entendez pas que je vous parle? Qui a-t-il? Que veux-tu, Jolly? Elle a faim, elle aussi. C'est vrai, je l'avais oublié. Pauvre Jolly. Viens manger ton gâteau dans ma main. Là, attends que je l'émiette. J'étais perdue dans mes rêves. Je le voyais bien. Excusez-moi. Voulez-vous que nous bavardions tous les deux? Oui. Oui, naturellement. Alors, bien que nous soyons mariés, vous ne voulez pas de moi pour époux? Non. Bon. Et pour amant? Non plus. Ah. Bon. Pour votre ami? Peut-être. Ce peut-être est déjà une promesse. Savez-vous au moins ce que c'est que l'amitié? Oui. C'est être frère et sœur. Deux âmes qui se touchent sans se confondre, comme les deux doigts de la main. Et l'amour? Oh, l'amour. L'amour. C'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. Enfer et paradis partageront ta vie. notre trouvère qui recommence à chanter, Esmeralda. Juste au moment où vous parliez si joliment de l'amour, un homme et une femme qui se fondent en un ange. Comme vous avez dit cela, mamie, et quelle expression il y a dans votre visage en ce moment, je ne sais quoi de suave, comme un point d'intersection mystique entre la virginité, la maternité et la divinité. Je ne comprends pas bien tout ce que vous dites. Cela prouve que je ne saurais jamais me faire entendre de vous, sans doute parce que vous ne le voulez pas. Et comment faut-il donc être pour vous plaire, Esmeralda ? Il faut être homme. Et moi, n'en suis-je pas un ? Un homme doit avoir le casque en tête, l'épée au poing et des éperons d'or au talon. Bon, si je comprends bien, sans le cheval, point d'homme. Aimez-vous quelqu'un qui correspond à ce signalement ? D'amour. D'amour ? Je serai cela. Bientôt. Pourquoi pas ce soir ? Pourquoi pas avec moi ? Je ne pourrai aimer qu'un homme qui saura me protéger. Voilà. Attrape, Gringoire. Ceci est pour toi, mon ami. Il est vrai que je n'ai pu faire grand-chose tout à l'heure pour vous arracher aux griffes de Quasimodo. Au premier coup de poing reçu, je me suis évanoui. Mais dites, il est doué d'une force surhumaine, animal. Au fait, mamie, je ne voulais point encore demander. Comment avez-vous fait pour vous échapper ? Oh, l'horrible monstre ! J'ai eu si peur qu'il m'emporte ! Savez-vous pourquoi il vous avait suivi ? Oh, je ne sais pas. Mais vous qui me suiviez aussi, pourquoi le faisiez-vous ? En toute bonne foi, je ne le sais pas non plus. Je me demande ce qui m'attendrit le plus, de votre voix ou de celle de Djali. Quelle jolie bête, cette petite chèvre. C'est ma sœur. Je n'ai pas d'autre famille. Pourquoi vous appelle-t-on la Esmeralda ? Je n'en sais rien. Peut-être à cause... Regardez. Oh, que c'est curieux. Une amulette. Vous la portez toujours sur votre poitrine ? Toujours. Vous voyez, elle est suspendue à mon cou par une chaîne de grains d'Adretzarak. Cela sent fortement le camphre, dites-moi. Tiens, mais on dirait que ce sachet de soie contient quelque chose. Montrez-le-moi. Non. Je ne l'ai jamais retiré, n'y touchez pas. Et d'ailleurs, vous l'avez assez vu. Matin, il a bien de la joie, ce sachet, à demeurer ainsi pressé sur votre sein. Hein? Qui vous l'a donné ? Personne. Mais que veut dire ce mot Esmeralda ? Mystère. À quelle langue appartient-il ? Yo no sé. Mamie, vous vous moquez de moi. Qui sont vos parents ? Mon père est oiseau, ma mère est oiselle. Je passe l'eau sans nacelle, je passe l'eau sans bateau. Mon père est oiseau, ma mère est oiselle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À quel âge êtes-vous venue en France ? Toute petite. Et à Paris ? L'an dernier. Au moment où nous entrions par la porte papale, j'ai vu filer en l'air la fauvette des roseaux. C'était la fin d'août. J'ai dit l'hiver sera rude. Il l'a été. Je l'ai passé à souffler dans mes doigts. Vous êtes donc un peu voyante ? Non. Décidément, je ne saurai rien de toi. Pas plus que j'en sais moi-même. Mais toi, qui es-tu ? Un homme comme toi doit avoir un nom, une famille, des racines. Quelque chose de bien planté dans la terre des hommes. Avec des souvenirs qui remontent très loin et que l'on peut raconter. Mon père faisait ceci, mon grand-père faisait cela, et mon arrière-grand-père aussi. C'est beau toutes ces vies dont on retrouve la trace, et qui viennent témoigner de la vôtre. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours marché en traversant des villes. Et sans doute mon père, et mon grand-père de même. C'est pour cela peut-être que je ne les ai jamais rencontrés. Esmeralda, c'est la liberté qui t'a nourri. Et moi, c'est la misère. Je suis fils d'un fermier du tabellionnage de Gonesse. Mon père a été pendu par les Bourguignons et ma mère éventrée par les Picards. À 6 ans, j'étais orphelin, avec le pavé de Paris pour semelle à mes pieds. Une fruitière me donnait une prune par-ci, un tamelier une croûte par-là. Le soir, je me faisais ramasser par les 11-20 qui me mettaient en prison, où je trouvais pour dormir une botte de paille. Oh. Tout ça ne m'a pas empêché de grandir. Et de maigrir, comme tu vois. À 16 ans, j'ai voulu prendre un état. Je me suis fait soldat. Mais je n'étais pas assez brave. Je me suis fait moine, mais je n'étais pas assez dévot. Alors, je suis entré comme apprenti parmi les charpentiers de la grande cognée. Mais je n'étais pas assez fort. J'avais plus de penchant pour être maître d'école. Il est vrai que je ne savais rien, mais ce n'est pas une raison. Alors je m'aperçus au bout d'un certain temps qu'il me manquait quelque chose pour tout. Et voyant que je n'étais bon à rien, je me suis fait de mon plein gré poète et compositeur de rimes. Ah, c'est un état qu'on peut toujours prendre quand on est vagabond, ne trouves-tu pas ? Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai tout de même eu mon heure de chance, tu sais, le jour où je rencontrais Don Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Il se prit d'intérêt pour moi et m'enseigna le latin. C'est à lui que je dois d'être aujourd'hui un véritable lettré, savant en toutes choses et prêt pour un bel avenir. Esmeralda, m'entends-tu ? Prêt pour un bel avenir ? J'entends bien. Aussi, ne suis-je point pour toi un mauvais parti de mariage ? Et puis, mon mystère me rapportera beaucoup d'argent. Si on veut bien me le payer, je pourrais apprendre des tours à Djali. Pas, ma jolie chèvre ? Mais oui, ma belle, mais oui. Enfin, je suis à vos ordres, moi, mon esprit, ma science et mes lettres. Prête à vivre avec vous, mesdamoiselles, comme il vous plaira, chastement ou joyeusement. Mari et femme, si vous le trouvez bon. Frères et sœurs, si vous le trouvez mieux. Esmeralda. Eh bien, Esmeralda, qu'en dis-tu ? Phébus. Phébus. Gringoire. Oui, Da ? Phébus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Phébus, c'est un mot latin qui veut dire soleil. Soleil. C'est le nom d'un bel archer qui était Dieu. Dieu ! Dieu, c'était donc cela ! Mais pourquoi me poses-tu cette question ? Pour que tu y répondes. J'entends bien, mais encore. Pour que tu me l'apprennes. Esmeralda ! Maintenant que je le sais. Bonsoir. Esmeralda ! Mamie, mamie, Esmeralda ! Oh ! M'en vas-tu bien, tu ne pas me laisser seule pour notre nuit de noces ? Esmeralda ! Esmeralda, écoute-moi, mon petit, ouvre-moi ! Tu n'as donc point confiance en moi pour avoir ainsi verrouillé ta porte ? Esmeralda ! Oh ! Oh, elle ne veut rien entendre, la coquine. Résigne-toi, Gringoire. Personne ne veut de toi. Ni la gloire, ni la potence, ni même ta femme. C'est dommage tout de même. Il y avait dans ce mariage à la cruche cassée quelque chose de naïf et d'antédiluvien qui me plaisait. Bah, dormons. C'est dans le sommeil, poète, que tu retrouveras tes chimères. Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Auseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou, et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, les chansons Enfer et Paradis étaient interprétées par Marc et André. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 7e, 8e, 9e et 10e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 23, 24, 25 et 26 avril 1957. À suivre et à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.